de là pour un simple cheveu d'or. Pour un simple cheveu d'or. Puis vers l'odeur des vagues, mécanique sur le nez, engrenage de soi qui laissait entrevoir un seul lisse comme ivoire. Un seul lisse comme ivoire. Suspendu au plafond, agrippé par les boucles d'une infinie tristesse. Garde le goût de ta peau. Garde le goût de ta peau. Mes doigts entre tes cuisses comme dans les yeux évités. D'un squelette bien heureux, il se met de bonté. Au service du meurtre. Au service du meurtre. Le mélange de matière, sans savoir qui je suis. Un grand coup de Toscan, et cette voix dans ma tête qui me dit de t'aimer. Qui me dit de t'aimer. T'as toujours sur la table avec un lion au complot. Les têtes tu renversées et l'odeur de tes os.